Deuxième partie, livre cinquième. Suite. L'année 1811 fut une des plus remarquables de ma carrière littéraire. Note. Chateaubriand ne dit rien du temps qui s'écoula d'avril 1809 à janvier 1811. Ces 20 mois ne furent en effet marqués pour lui par aucun événement politique ou littéraire. Madame de Chateaubriand, de son côté, se borne ici à ces quelques lignes. À la fin de mai 1809, nous retournâmes à la campagne où M. de Chateaubriand s'occupa de son itinéraire. Dans le courant de l'été, nous fûmes, comme de coutume, passés quelques jours à Méréville, ensuite à Verneuil, chez M. de Tocqueville, d'où nous allâmes au Ménil, chez Madame de Rosambeau. Cette vie de château était fort agréable et fort à la mode sous Bonaparte. Une partie de la société, celle qui n'allait point à la nouvelle cour, passait 9 mois de l'année à la campagne. Fin de note. Je publiais l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Je remplaçais M. de Chénier à l'Institut et je commençais d'écrire les mémoires que j'achève aujourd'hui. Le succès de l'itinéraire fut aussi complet que celui des martyrs avait été disputé. Il n'est si mince barbouilleur de papier qui, à l'apparition de son farago, ne reçoive des lettres de félicitations. Parmi les nouveaux compliments qui me furent adressés, il ne m'est pas permis de faire disparaître la lettre d'un homme de vertu et de mérite qui a donné 2 ouvrages dont l'autorité est reconnue et qui ne laisse presque plus rien à dire sur Bossuet et Fénelon. L'évêque d'Alais, cardinal de Beausset, est l'historien de ces grands prélats. Il outre infiniment la louange à mon égard, c'est l'usage reçu quand on écrit à un auteur, et cela ne compte pas. Mais le cardinal fait sentir du moins l'opinion générale du moment sur l'itinéraire. Il entrevoit, relativement à Carthage, les objections dont mon sentiment géographique serait l'objet. Toutefois, ce sentiment a prévalu et j'ai remis à leur place les ports de Didon. On aimera à retrouver dans cette lettre l'élocution d'une société choisie, ce style rendu grave et doux par la politesse, la religion et les mœurs, excellence de ton dont nous sommes si loin aujourd'hui. À Villemoisson, par Longjumeau, Seine-et-Oise. Ce 25 mars 1811. Vous avez dû recevoir, monsieur, et vous avez reçu le juste tribut de la reconnaissance et de la satisfaction publique. Mais je puis vous assurer qu'il n'est aucun de vos lecteurs qui ait joui avec un sentiment plus vrai de votre intéressant ouvrage. Vous êtes le premier et le seul voyageur qui n'ait pas eu besoin du secours de la gravure et du dessin pour mettre sous les yeux de ses lecteurs les lieux et les monuments qui rappellent de beaux souvenirs et de grandes images. Votre âme a tout senti, votre imagination a tout peint, et le lecteur sent avec votre âme et voit avec vos yeux. Je ne pourrai vous rendre que bien faiblement l'impression que j'ai éprouvée dès les premières pages, en longeant avec vous les côtes de l'île de Corcyre, et en voyant aborder tous ces hommes éternels que des destins contraires y ont successivement conduits. Quelques lignes vous ont suffi pour graver à jamais les traces de leurs pas. On les retrouvera toujours dans votre itinéraire, qui les conservera plus fidèlement que tant de marbres qui n'ont pas su garder les grands noms qui leur ont été confiés. Je connais actuellement les monuments d'Athènes comme on aime à les connaître. Je les avais déjà vus dans de belles gravures. Je les avais admirés, mais je ne les avais pas sentis. On oublie trop souvent que si les architectes ont besoin de la description exacte, des mesures et des proportions, les hommes ont besoin de retrouver l'âme et le génie qui ont conçu les pensées de ces grands monuments. Vous avez rendu aux pyramides cette noble et profonde intention que de frivoles déclamateurs n'avaient pas même aperçue. Que je vous sais gré, monsieur, d'avoir voué à la juste exécration de tous les siècles ce peuple stupide et féroce qui fait depuis 1200 ans la désolation des plus belles contrées de la terre. On sourit avec vous à l'espérance de le voir rentrer dans le désert d'où il est sorti. Vous m'avez inspiré un sentiment passager d'indulgence pour les Arabes en faveur du beau rapprochement que vous en avez fait avec les sauvages de l'Amérique septentrionale. La Providence semble vous avoir conduit à Jérusalem pour assister à la dernière représentation de la première scène du christianisme. S'il n'est plus donné aux yeux des hommes de revoir ce tombeau, le seul qui n'aura rien à rendre au dernier jour, les chrétiens le retrouveront toujours dans l'Évangile et les âmes méditatives et sensibles dans vos tableaux. Les critiques ne manqueront pas de vous reprocher les hommes et les faits dont vous avez couvert les ruines de Carthage, que vous ne pouviez pas peindre puisqu'elles n'existent plus. Mais, je vous en conjure, monsieur, bornez-vous seulement à leur demander s'ils ne seraient pas eux-mêmes bien fâchés de ne pas les retrouver dans ces peintures si attachantes. Vous avez le droit de jouir, monsieur, d'un genre de gloire qui vous appartient exclusivement par une sorte de création, mais il est une jouissance encore plus satisfaisante pour un caractère tel que le vôtre. C'est celle d'avoir donné aux créations de votre génie la noblesse de votre âme et l'élévation de vos sentiments. C'est ce qui assurera, dans tous les temps, à votre nom et à votre mémoire, l'estime, l'admiration et le respect de tous les amis de la religion, de la vertu et de l'honneur. C'est à ce titre que je vous supplie, monsieur, d'agréer l'hommage de tous mes sentiments. L. F. de Beausset, ancien évêque d'Alais. Monsieur de Chénier mourut le 10 janvier 1811. Mes amis eurent la fatale idée de me presser de le remplacer à l'Institut. Ils prétendaient qu'exposé comme je l'étais aux inimitiés du chef du gouvernement, aux soupçons et aux tracasseries de la police, il m'était nécessaire d'entrer dans un corps alors puissant par sa renommée et par les hommes qui le composaient, qu'à l'abri derrière ce bouclier, je pourrais travailler en paix. J'avais une répugnance invincible à occuper une place, même en dehors du gouvernement. Il me souvenait trop de ce que m'avait coûté la première. L'héritage de Chénier me semblait périlleux. Je ne pourrais tout dire qu'en m'exposant. Je ne voulais point passer sous silence le régicide, quoique Cambacérès fût la seconde personne de l'État. J'étais déterminé à faire entendre mes réclamations en faveur de la liberté et à élever ma voix contre la tyrannie. Je voulais m'expliquer sur les horreurs de 1793, exprimer mes regrets sur la famille tombée de nos rois, gémir sur les malheurs de ceux qui leur étaient restés fidèles. Mes amis me répondirent que je me trompais, que quelques louanges du chef du gouvernement, obligées dans le discours académique, louanges dont sous un rapport je trouvais Bonaparte digne, lui ferait avaler toutes les vérités que je voudrais dire, que j'aurais à la fois l'honneur d'avoir maintenu mes opinions et le bonheur de faire cesser les terreurs de Madame de Chateaubriand. À force de m'obséder, je me rendis de guerre lasse, mais je leur déclarai qu'ils se méprenaient, que Bonaparte, lui, ne se méprendrait point à des lieux communs, sur son fils, sa femme, sa gloire, qu'il ne sentirait que plus vivement la leçon, qu'il reconnaîtrait le démissionnaire à la mort du duc d'Enghien et l'auteur de l'article qui fit supprimer le mercure, qu'enfin, au lieu de m'assurer le repos, je ranimerais contre moi les persécutions. Ils furent bientôt obligés de reconnaître la vérité de mes paroles. Il est vrai qu'ils n'avaient pas prévu la témérité de mon discours. J'allais faire les visites d'usage aux membres de l'Académie. Note. Un contemporain, M. Auguy, qui fut député des Deux-Sèvres, raconte ainsi de quelle façon cavalière Chateaubriand fit ses visites. Lorsque Chateaubriand alla faire ses visites d'Académie française, il se rendit à cheval chez ses futurs confrères. Aux renommés et aux puissants, il faisait la visite entière. Au fretin, il remettait sa carte et ne descendait point du fougueux coursier. Quand on en vint à la délibération, M. vota pour le cheval du nouveau confrère, disant que c'était de lui seul qu'en bonne conscience il avait reçu visite. Journal inédit de Ferdinand Denis, auteur des scènes de la nature sous les tropiques et d'André le voyageur. Fin de note. Madame de Vintimille me conduisit chez Monsieur l'abbé Morlaix. Nous le trouvâmes assis dans un fauteuil devant son feu. Il s'était endormi et l'itinéraire qu'il lisait lui était tombé des mains. Réveillé en sursaut au bruit de mon nom annoncé par son domestique, il releva la tête et s'écria « Il y a des longueurs, il y a des longueurs !» Je lui dis en riant que je le voyais bien et que j'abrégerais la nouvelle édition. Il fut bonhomme et me promit sa voix, malgré Atala. Lorsque dans la suite la monarchie selon la charte parut, il ne revenait pas qu'un pareil ouvrage politique eût pour auteur le chantre de la fille des Florides. Grotius n'avait-il pas écrit la tragédie d'Adam et Ève, et Montesquieu le temple de Guide? Il est vrai que je n'étais ni Grotius ni Montesquieu. L'élection eut lieu. Je passai au scrutin à une assez forte majorité. Je me mis de suite à travailler à mon discours. Je le fis et le refis 20 fois, n'étant jamais content de moi. Tantôt, le voulant rendre possible à la lecture, je le trouvais trop fort. Tantôt, la colère me revenant, je le trouvais trop faible. Je ne savais comment mesurer la dose de l'éloge académique. Si, malgré mon antipathie pour Napoléon, j'avais voulu rendre l'admiration que je sentais pour la partie publique de sa vie, j'aurais été bien au-delà de la péroraison. Milton, que je cite au commencement du discours, me fournissait un modèle. Dans sa seconde défense du peuple anglais, il fit un éloge pompeux de Cromwell. « Tu as non seulement éclipsé les actions de tous nos rois, dit-il, mais celles qui ont été racontées de nos héros fabuleux. Réfléchis souvent aux chers gages que la terre qui t'a donné la naissance a confiés à tes soins. La liberté qu'elle espéra autrefois de la fleur des talents et des vertus, elle l'attend maintenant de toi. Elle se flatte de l'obtenir de toi seul. Honore les vives espérances que nous avons conçues. Honore les sollicitudes de ta patrie inquiète. Respecte les regards et les blessures de tes braves compagnons qui, sous ta bannière, ont hardiment combattu pour la liberté. Respecte les ombres de ceux qui périrent sur le champ de bataille. Enfin, respecte-toi toi-même. Ne souffre pas, après avoir bravé tant de périls pour l'amour des libertés, qu'elles soient violées par toi-même ou attaquées par d'autres mains. Tu ne peux être vraiment libre que nous ne le soyons nous-mêmes. Telle est la nature des choses. Celui qui empiète sur la liberté de tous est le premier à perdre la sienne et à devenir esclave. Johnson n'a cité que les louanges données au protecteur afin de mettre en contradiction le républicain avec lui-même. Le beau passage que je viens de traduire montre ce qui faisait le contrepoids de ces louanges. La critique de Johnson est oubliée. La défense de Milton est restée. Tout ce qui tient aux entraînements des partis et aux passions du moment meurt comme eux et avec elles. Mon discours étant prêt, je fus appelé à le lire devant la commission nommée pour l'entendre. Il fut repoussé par cette commission à l'exception de 2 ou 3 membres. Il fallait voir la terreur des fiers républicains qui m'écoutaient et que l'indépendance de mes opinions épouvantait. Il frémissait d'indignation et de frayeur au seul mot de liberté. M. Daru porta à Saint-Cloud le discours. Bonaparte déclara que s'il eût été prononcé, il aurait fait fermer les portes de l'Institut et m'aurait jeté dans un cul de basse-fosse pour le reste de ma vie. Je reçus ce billet de M. Daru. Saint-Cloud, 28 avril 1811. J'ai l'honneur de prévenir M. de Chateaubriand que lorsqu'il aura le temps ou l'occasion de venir à Saint-Cloud, je pourrai lui rendre le discours qu'il a bien voulu me confier. Je saisis cette occasion pour lui renouveler l'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur de le saluer. Daru. J'allais à Saint-Cloud. M. Daru me rendit le manuscrit çà et là raturé, marqué à birato de parenthèses et de traces au crayon par Bonaparte. L'ongle du lion était enfoncé partout, et j'avais une espèce de plaisir d'irritation à croire le sentir dans mon flanc. M. Daru ne me cacha point la colère de Napoléon, mais il me dit qu'en conservant la péroraison, sauf quelques mots, et en changeant presque tout le reste, je serais reçu avec de grands applaudissements. On avait copié le discours au château en supprimant quelques passages et en interpolant quelques autres. Peu de temps après, il parut dans les provinces, imprimé de la sorte. Ce discours est un des meilleurs titres de l'indépendance de mes opinions et de la constance de mes principes. M. Suard, libre et ferme, disait que s'il avait été élu en pleine académie, il aurait fait crouler les voûtes de la salle sous un tonnerre d'applaudissements. Se figure-t-on en effet le chaleureux éloge de la liberté prononcé au milieu de la servilité de l'Empire? J'avais conservé le manuscrit raturé avec un soin religieux. Le malheur a voulu qu'en quittant l'infirmerie de Marie-Thérèse, il fût brûlé avec une foule de papiers. Néanmoins, les lecteurs de ces mémoires n'en seront pas privés. Un de mes collègues eut la générosité d'en prendre copie. La voici. Lorsque Milton publia Le Paradis perdu, aucune voix ne s'éleva dans les 3 royaumes de la Grande-Bretagne pour louer un ouvrage qui, malgré ses nombreux défauts, n'en est pas moins un des plus beaux monuments de l'esprit humain. L'Homère anglais mourut oublié, et ses contemporains laissèrent à l'avenir le soin d'immortaliser le chantre d'Éden. Est-ce là une des grandes injustices littéraires dont presque tous les siècles offrent des exemples? Non, messieurs. À peine échappés aux guerres civiles, les Anglais ne purent se résoudre à célébrer la mémoire d'un homme qui se fit remarquer par l'ardeur de ses opinions dans un temps de calamité. Que réserverons-nous, dirent-ils, à la tombe du citoyen qui se dévoue au salut de son pays, si nous prodiguons les honneurs aux cendres de celui qui peut, tout au plus nous demander une généreuse indulgence. La postérité rendra justice à la mémoire de Milton. Mais nous, nous devons une leçon à nos fils. Nous devons leur apprendre, par notre silence, que les talents sont un présent funeste quand ils s'allient aux passions, et qu'il vaut mieux se condamner à l'obscurité que de se rendre célèbre par les malheurs de sa patrie. Imiterai-je, messieurs, ce mémorable exemple, ou vous parlerai-je de la personne et des ouvrages de M. Chénier ? Pour concilier vos usages et mes opinions, je crois devoir prendre un juste milieu entre un silence absolu et un examen approfondi. Mais quelles que soient mes paroles, aucun fiel n'empoisonnera ce discours. Si vous retrouvez en moi la franchise de Duclos, mon compatriote, j'espère vous prouver aussi que j'ai la même loyauté. Il eût été curieux sans doute de voir ce qu'un homme dans ma position, avec mes principes et mes opinions, pourrait dire de l'homme dont j'occupe aujourd'hui la place. Il serait intéressant d'examiner l'influence des révolutions sur les lettres, de montrer comment les systèmes peuvent égarer le talent, le jeter dans des routes trompeuses qui semblent conduire à la renommée et qui n'aboutissent qu'à l'oubli. Si Milton, malgré ses égarements politiques, a laissé des ouvrages que la postérité admire, c'est que Milton, sans être revenu de ses erreurs, se retira d'une société qui se retirait de lui, pour chercher dans la religion l'adoucissement de ses maux et la source de sa gloire. Privé de la lumière du ciel, il se créa une nouvelle terre, un nouveau soleil, et sorti pour ainsi dire d'un monde où il n'avait vu que des malheurs et des crimes, il plaça dans les berceaux d'Éden cette innocence primitive, cette félicité sainte qui régnèrent sous les tentes de Jacob et de Rachel. Et il mit aux enfers les tourments, les passions et les remords de ces hommes dont il avait partagé les fureurs. Malheureusement, les ouvrages de M. Chénier, quoiqu'on y découvre le germe d'un talent remarquable, ne brillent ni par cette antique simplicité, ni par cette majesté sublime. L'auteur se distinguait par un esprit éminemment classique. Nul ne connaissait mieux les principes de la littérature ancienne et moderne. Théâtre, éloquence, histoire, critique, satire, il a tout embrassé. Mais ses écrits portent l'empreinte des jours désastreux qui les ont vus naître. Trop souvent dictés par l'esprit de parti, ils ont été applaudis par les factions. Séparerai-je, dans les travaux de mon prédécesseur, ce qui est déjà passé comme nos discordes et ce qui restera peut-être comme notre gloire. Ici se trouvent confondus les intérêts de la société et les intérêts de la littérature. Je ne puis assez oublier les uns pour m'occuper uniquement des autres. Alors, messieurs, je suis obligé de me taire, ou d'agiter des questions politiques. Il y a des personnes qui voudraient faire de la littérature une chose abstraite et l'isoler au milieu des affaires humaines. Ces personnes me diront pourquoi garder le silence, ne considérer les ouvrages de M. Chénier que sous les rapports littéraires. C'est-à-dire, messieurs, qu'il faut que j'abuse de votre patience et de la mienne pour répéter des lieux communs que l'on trouve partout et que vous connaissez mieux que moi. Autre temps, autre mœurs. Héritiers d'une longue suite d'années paisibles, nos devanciers pouvaient se livrer à des discussions purement académiques, qui prouvaient encore moins leur talent que leur bonheur. Mais nous, restes infortunés d'un grand naufrage, nous n'avons plus ce qu'il faut pour goûter un calme si parfait. Nos idées, nos esprits ont pris un cours différent. L'homme a remplacé en nous l'académicien, en dépouillant les lettres de ce qu'elles peuvent avoir de futile. Nous ne les voyons plus qu'à travers nos puissants souvenirs et l'expérience de notre adversité. Quoi, après une révolution qui nous a fait parcourir en quelques années les événements de plusieurs siècles, on interdira à l'écrivain toute considération élevée, on lui refusera d'examiner le côté sérieux des objets. Il passera une vie frivole à s'occuper de chicanes grammaticales, de règles de goût, de petites sentences littéraires. Il vieillira enchaîné dans les langes de son berceau. Il ne montrera pas, sur la fin de ses jours, un front sillonné par ses longs travaux, par ses graves pensées, et souvent ses mâles douleurs qui ajoutent à la grandeur de l'homme. Quels soins importants auront donc blanchi ses cheveux, les misérables peines de l'amour-propre et les jeux puérils de l'esprit. Certes, messieurs, ce serait nous traiter avec un mépris bien étrange. Pour moi, je ne puis ainsi me rapetisser, ni me réduire à l'état d'enfance, dans l'âge de la force et de la raison. je ne puis me renfermer dans le cercle étroit qu'on voudrait tracer autour de l'écrivain. Par exemple, messieurs, si je voulais faire l'éloge de l'homme de lettres, de l'homme de cour qui préside à cette assemblée, note, monsieur de Boufflers, fin de note, croyez-vous que je me contenterais de louer en lui cet esprit français, léger, ingénieux, qu'il a reçu de sa mère, et dont il offre parmi nous le dernier modèle ? Non, sans doute. Je voudrais encore faire briller dans tout son éclat le beau nom qu'il porte. Je citerai le duc de Boufflers qui fit lever aux Autrichiens le blocus de Gênes. Je parlerai du maréchal, son père, de ce gouverneur qui disputa aux ennemis de la France les remparts de Lille et consola par cette défense mémorable la vieillesse malheureuse d'un grand roi. C'est de ce compagnon de Turenne que Madame de Maintenon disait « En lui le cœur est mort le dernier ». Enfin, je passerai jusqu'à ce Louis de Boufflers, dit le robuste, qui montrait dans les combats la vigueur et le courage d'Hercule. Ainsi je trouverai aux deux extrémités de cette famille la force et la grâce, le chevalier et le troubadour. On veut que les Français soient fils d'Hector, je croirais plutôt qu'ils descendent d'Achille, car ils manient comme ce héros la lyre et l'épée. Si je voulais, messieurs, vous entretenir du poète célèbre, note, l'abbé de Lille, fin de note, qui chanta la nature d'une voix si brillante, pensez-vous que je me bornerais à vous faire remarquer l'admirable flexibilité d'un talent qui sut rendre avec un mérite égal les beautés régulières de Virgile et les beautés incorrectes de Milton ? Non, je vous montrerais aussi ce poète ne voulant pas se séparer de ses infortunés compatriotes, les suivant avec sa lyre aux rives étrangères, chantant leurs douleurs pour les consoler. Illustre banni au milieu de cette foule d'exilés dont j'augmentais le nombre. Il est vrai que son âge et ses infirmités, ses talents et sa gloire ne l'avaient pas mis dans sa patrie à l'abri des persécutions. On voulait lui faire acheter la paix par des vers indignes de sa muse, et sa muse ne put chanter que la redoutable immortalité du crime et la rassurante immortalité de la vertu. Rassurez-vous, vous êtes immortel. Note. C'est un vers du dithyrambe sur l'immortalité de l'âme, composé par l'abbé de Lille pendant la Terreur. Voici les strophes auxquelles Chateaubriand faisait allusion. Oui, vous qui, de l'Olympe usurpant le tonnerre, des éternelles lois renversez les autels, lâches oppresseurs de la terre, tremblez, vous êtes immortels. Et vous, vous du malheur victime passagère, sur qui veillent d'un dieu les regards paternels, voyageurs d'un moment aux terres étrangères, consolez-vous. Vous êtes immortels. Fin de note. Si je voulais enfin, messieurs, vous parler d'un ami bien cher à mon cœur, d'un de ces amis qui, selon Cicéron, note, monsieur de Fontane, fin de note, rendent la prospérité plus éclatante et l'adversité plus légère, je vanterai la finesse et la pureté de son goût, l'élégance exquise de sa prose, la beauté, la force, l'harmonie de ses vers, qui, formé sur les grands modèles, se distingue néanmoins par un caractère original. Je vanterai ce talent supérieur qui ne connut jamais les sentiments de l'envie, ce talent heureux de tous les succès qui ne sont pas les siens, ce talent qui depuis 10 années ressent tout ce qui peut m'arriver d'honorable, avec cette joie naïve et profonde connue seulement des plus généreux caractères et de la plus vive amitié. Mais je n'omettrai pas la partie politique de mon ami. Je le peindrais à la tête d'un des premiers corps de l'État, prononçant ces discours qui sont des chefs-d'œuvre de bienséance, de mesure et de noblesse. Je le représenterais sacrifiant le doux commerce des muses à des occupations qui seraient sans doute sans charme si l'on ne s'y livrait dans l'espoir de former des enfants capables de suivre un jour l'exemple de leur père et d'éviter nos erreurs. En parlant des hommes de talent dont se compose cette assemblée, je ne pourrais donc m'empêcher de les considérer sous le rapport de la morale et de la société. L'un se distingue au milieu de vous par un esprit fin, délicat et sage, par une urbanité si rare aujourd'hui et par la constance la plus honorable dans ses opinions modérées. Note, monsieur Suard, fin de note. L'autre, sous les grâces de l'âge, a retrouvé toute la chaleur de la jeunesse pour plaider la cause des malheureux. Note l'abbé Morlaix, qui avait publié en 1795 deux éloquents écrits en faveur des victimes de la Révolution, « Le cri des familles » et « La cause des pères ». Fin de note. Celui-ci, historien, élégant et agréable poète, nous devient plus respectable et plus cher par le souvenir d'un père et d'un fils mutilés au service de la patrie. Celui-là, en rendant l'ouïe aux sourds et la parole aux muets, nous rappelle les miracles du culte évangélique auquel il s'est consacré. N'est-il point parmi vous, messieurs, des témoins de vos anciens triomphes qui puissent raconter au digne héritier du chancelier d'Axo comment le nom de son aïeul fut jadis applaudi dans cette assemblée ? Je passe au nourrisson favori des neuf sœurs et j'aperçois le vénérable auteur d'Œdipe, retiré dans la solitude, et Sophocle, oubliant à Colonne la gloire qui le rappelle dans Athènes. Combien nous devons aimer les autres fils de Melpomène qui nous ont intéressés au malheur de nos pères. Tous les cœurs français ont de nouveau tremblé au pressentiment de la mort d'Henri IV. La muse tragique a rétabli l'honneur de ses proches chevaliers, lâchement trahis par l'histoire et noblement vengés par l'un de nos modernes Euripides. Descendant au successeur d'Anacréon, je m'arrêterai à cet homme aimable qui, semblable au vieillard de Théos, redit encore, après 15 lustres, ces chants amoureux que l'on fait entendre à 15 ans. J'irai, messieurs, chercher votre renommée sur ces mers orageuses que gardait autrefois le géant Adamastor et qui se sont apaisées au nom charmant d'Éléonore et de Virginie. Tibi rident aequora. Hélas, trop de talents parmi nous ont été errants et voyageurs. La poésie n'a-t-elle pas chanté en vers harmonieux l'art de Neptune, cet art si fatal qui la transporta sur des bords lointains ? Et l'éloquence française, après avoir défendu l'État et l'autel, ne se retire-t-elle pas, comme à sa source, dans la patrie de Saint-Ambroise ? Que ne puis-je placer ici tous les membres de cette assemblée dans un tableau dont la flatterie n'a point embelli les couleurs ? Car s'il est vrai que l'envie obscurcisse quelquefois les qualités estimables des gens de lettres, il est encore plus vrai que cette classe d'hommes se distingue par des sentiments élevés, par des vertus désintéressées, par la haine de l'oppression, le dévouement à l'amitié et la fidélité au malheur. C'est ainsi, messieurs, que j'aime à considérer un sujet sous toutes les faces et que j'aime surtout à rendre les lettres sérieuses en les appliquant au plus haut sujet de la morale, de la philosophie et de l'histoire. Avec cette indépendance d'esprit, il faut donc que je m'abstienne de toucher à des ouvrages qu'il est impossible d'examiner sans irriter les passions. Si je parlais de la tragédie de Charles IX, pourrais-je m'empêcher de venger la mémoire du cardinal de Lorraine et de discuter cette étrange leçon donnée au roi ? Caius Gracchus, Calas, Henri VIII, Fénelon m'offriraient sur plusieurs points cette altération de l'histoire pour appuyer les mêmes doctrines. Si je lis les satires, j'y trouve, immolés, des hommes placés au premier rang de cette assemblée. Toutefois, écrite d'un style pur, élégant et facile, elle rappelle agréablement l'école de Voltaire, et j'aurai d'autant plus de plaisir à les louer que mon nom n'a pas échappé à la malice de l'auteur. Note. Allusion à une tirade de la satire de Marie-Joseph Chénier, intitulée « Les nouveaux saints », et qui commence ainsi « Ah, vous parlez du diable, il est bien poétique, dit le dévot Chactas, ce sauvage érotique. » Fin de note. Mais laissons là des ouvrages qui donneraient lieu à des récriminations pénibles. Je ne troublerai point la mémoire d'un écrivain qui fut votre collègue et qui compte encore parmi vous des admirateurs et des amis. Il devra à cette religion, qui lui parut si méprisable dans les écrits de ceux qui la défendent, la paix que je souhaite à sa tombe. Mais ici même, messieurs, ne serais-je point assez malheureux pour trouver un écueil ? Car, en portant à M. Chénier ce tribut de respect que tous les morts réclament, je crains de rencontrer sous mes pas des cendres bien autrement illustres. Si des interprétations peu généreuses voulaient me faire un crime de cette émotion involontaire, je me réfugierais au pied de ces autels expiatoires qu'un puissant monarque élève aux mânes des dynasties outragées. Ah, qu'il eût été plus heureux pour M. Chénier de n'avoir point participé à ces calamités publiques qui retombèrent enfin sur sa tête. Il a su, comme moi, ce que c'est que de perdre dans les orages un frère tendrement chéri. Qu'auraient dit nos malheureux frères si Dieu les eût appelés le même jour à son tribunal, s'ils s'étaient rencontrés au moment suprême, avant de confondre leur sang ? Ils nous auraient crié, sans doute, « Cessez vos guerres intestines, revenez à des sentiments d'amour et de paix. La mort frappe également tous les partis, et vos cruelles divisions nous coûtent la jeunesse et la vie. » Tels auraient été leurs cris fraternels. Si mon prédécesseur pouvait entendre ces paroles qui ne consolent plus que son ombre, il serait sensible à l'hommage que je rends ici à son frère, car il était naturellement généreux. Ce fut même cette générosité de caractère qui l'entraîna dans des nouveautés bien séduisantes, sans doute, puisqu'elle promettait de nous rendre les vertus de Fabricius. Mais bientôt trompé dans son espérance, son humeur s'aigrit, son talent se dénatura. Transporté de la solitude du poète au milieu des factions, comment aurait-il pu se livrer à ces sentiments qui font le charme de la vie? Heureux s'il n'eût vu d'autre ciel que le ciel de la Grèce sous lequel il était né, s'il n'eût contemplé d'autres ruines que celles de Sparte et d'Athènes. Je l'aurais peut-être rencontré dans la belle patrie de sa mère, et nous nous serions jurés amitié sur les bords du Permès. Ou bien, puisqu'il devait revenir au champ paternel, que ne me suivit-il dans les déserts où je fus jeté par nos tempêtes? Le silence des forêts aurait calmé cette âme troublée, et les cabanes des sauvages l'eussent peut-être réconcilié avec les palais des rois. Vain souhait. Monsieur Chénier resta sur le théâtre de nos agitations et de nos douleurs. Atteint jeune encore d'une maladie mortelle, vous le vîtes, messieurs, s'incliner lentement vers le tombeau et quitter pour toujours. On ne m'a point raconté ces derniers moments. Nous tous, qui vécûmes dans les troubles et les agitations, nous n'échapperons pas au regard de l'histoire. Qui peut se flatter d'être trouvé sans tâche dans un temps de délire où personne n'avait l'usage entier de sa raison? Soyons donc pleins d'indulgence pour les autres. Excusons ce que nous ne pouvons approuver. Telle est la faiblesse humaine, que le talent, le génie, la vertu même peuvent quelquefois franchir les bornes du devoir. Monsieur Chénier adora la liberté. Pourrait-on lui en faire un crime? Les chevaliers eux-mêmes, s'ils sortaient de leur tombeau, suivraient la lumière de notre siècle. On verrait se former cette illustre alliance entre l'honneur et la liberté, comme sous le règne des Valois, les créneaux gothiques couronnaient avec une grâce infinie dans nos monuments les ordres empruntés des Grecs. La liberté n'est-elle pas le plus grand des biens et le premier des besoins de l'homme? Elle enflamme le génie, elle élève le cœur, elle est nécessaire à l'ami des muses comme l'air qu'il respire. Les arts peuvent, jusqu'à un certain point, vivre dans la dépendance parce qu'ils se servent d'une langue à part qui n'est pas entendue de la foule. Mais les lettres, qui parlent une langue universelle, languissent et meurent dans les fers. Comment tracera-t-on des pages dignes de l'avenir s'il faut s'interdire en écrivant tout sentiment magnanime, toute pensée forte et grande? La liberté est si naturellement l'amie des sciences et des lettres qu'elle se réfugie auprès d'elle lorsqu'elle est bannie du milieu des peuples. Et c'est nous, messieurs, qu'elle charge d'écrire ses annales et de la venger de ses ennemis, de transmettre son nom et son culte à la dernière postérité. Pour qu'on ne se trompe pas dans l'interprétation de ma pensée, je déclare que je ne parle ici que de la liberté qui naît de l'ordre et enfante des lois, et non de cette liberté fille de la licence et mère de l'esclavage. Le tort de l'auteur de Charles IX ne fut donc pas d'avoir offert son encens à la première de ses divinités, mais d'avoir cru que les droits qu'elle nous donne sont incompatibles avec un gouvernement monarchique. C'est dans ses opinions qu'un Français met cette indépendance que d'autres peuples placent dans leurs lois. La liberté est pour lui un sentiment plutôt qu'un principe, et il est citoyen par instinct et sujet par choix. Si l'écrivain, dont vous déplorez la perte, avait fait cette réflexion, il n'aurait pas embrassé dans un même amour la liberté qui fonde et la liberté qui détruit. J'ai, messieurs, fini la tâche que les usages de l'Académie m'ont imposée. Près de terminer ce discours, je suis frappé d'une idée qui m'attriste. Il n'y a pas longtemps que M. Chénier prononçait sur mes ouvrages des arrêts qu'il se préparait à publier. Et c'est moi qui juge aujourd'hui mon juge. Je le dis dans toute la sincérité de mon cœur, j'aimerais mieux encore être exposé aux satires d'un ennemi et vivre en paix dans la solitude que de vous faire remarquer, par ma présence au milieu de vous, la rapide succession des hommes sur la terre, la subite apparition de cette mort qui renverse nos projets et nos espérances, qui nous emporte tout à coup, et livre quelquefois notre mémoire à des hommes entièrement opposés à nos sentiments et à nos principes. Cette tribune est une espèce de champ de bataille où les talents viennent tour à tour briller et mourir. Que de génies divers elle a vu passer, Corneille, Racine, Boileau, La Bruyère, Bossuet, Fénelon, Voltaire, Buffon, Montesquieu. Qui ne serait effrayé, messieurs, en pensant qu'il va former un anneau dans la chaîne de cette illustre lignée? Accablé du poids de ces noms immortels, ne pouvant me faire reconnaître à mes talents pour héritier légitime, je tâcherai du moins de prouver ma descendance par mes sentiments. Quand mon tour sera venu de céder ma place à l'orateur qui doit parler sur ma tombe, il pourra traiter sévèrement mes ouvrages, mais il sera forcé de dire que j'aimais avec transport ma patrie, que j'aurais souffert mille maux plutôt que de coûter une seule larme à mon pays, que j'aurais fait sans balancer le sacrifice de mes jours à ces nobles sentiments qui seuls donnent du prix à la vie et de la dignité à la mort. Mais quel temps ai-je choisi, messieurs, pour vous parler de deuil et de funérailles? Ne sommes-nous pas environnés de fêtes? Voyageur solitaire, je méditais il y a quelques jours sur la ruine des empires détruits, et je vois s'élever un nouvel empire. Je quitte à peine ces tombeaux où dorment les nations ensevelies, et j'aperçois un berceau chargé des destinées de l'avenir. De toutes parts retentissent les acclamations du soldat. César monte au Capitole, les peuples racontent les merveilles, les monuments élevés, les cités embellies, les frontières de la patrie baignées par ces mers lointaines qui portaient les vaisseaux de Scipion et par ces mers reculées que ne vit pas Germanicus. Tandis que le triomphateur s'avance, entouré de ses légions, que feront les tranquilles enfants des muses? Ils marcheront au-devant du char pour joindre l'olivier de la paix aux palmes de la victoire, pour présenter aux vainqueurs la troupe sacrée, pour mêler aux récits guerriers les touchantes images qui faisaient pleurer Paul-Émile sur les malheurs de Persée. Et vous, fille des Césars, sortez de votre palais avec votre jeune fils dans vos bras. Venez ajouter la grâce à la grandeur. Venez attendrir la victoire et tempérer l'éclat des armes par la douce majesté d'une reine et d'une mère. Dans le manuscrit qui me fut rendu, le commencement du discours qui a rapport aux opinions de Milton était barré, d'un bout à l'autre, de la main de Bonaparte. Une partie de ma réclamation contre l'isolement des affaires dans lequel on voudrait tenir la littérature était également stigmatisée au crayon. L'éloge de l'abbé de Lille, qui rappelait l'émigration, la fidélité du poète aux malheurs de la famille royale et aux souffrances de ses compagnons d'exil, était mis entre parenthèses. L'éloge de M. de Fontane avait une croix. Presque tout ce que je disais sur M. Chénier, sur son frère, sur le mien, sur les autels expiatoires que l'on préparait à Saint-Denis, était haché de traits. Le paragraphe commençant par ces mots « M. de Chénier adora la liberté, etc. » avait une double rature longitudinale. Néanmoins, les agents de l'Empire, en publiant ce discours, ont conservé assez correctement ce paragraphe.